Leçon 5, cinquième leçon. Mon père est le frère de ma tante. Première partie, drôle de famille. Je m'appelle Louise Louvier. Mon mari s'appelle Pierre. Il est ingénieur dans une grande usine. Il travaille beaucoup. Nous avons un grand appartement. L'appartement numéro 4. Rue des Fleurs, Paris 9e. Nous sommes contents d'avoir un grand appartement. Nous avons un fils, Georges. Il est réceptionniste à l'Hôtel du Nord. Il voudrait être gérant d'hôtel. Il a 23 ans. Je suis mariée depuis 24 ans. C'est long. Aujourd'hui, c'est le baptême de Nicolas. Nicolas, c'est le fils de mon neveu Jean-Luc. Et de ma nièce par alliance, Sylvie. Il a 2 semaines.